Fidèles auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici le sommaire. Le nouveau projet du budget général de l'été exercice 2024-2025 devrait prioriser les secteurs porteurs de croissance économique, estime l'OLUCOM qui s'exprimait ce lundi en conférence de presse. En province Rumonge, l'administration de la commune Rumonge et la régie des eaux centre Rumonge se jettent la balle quant à la réhabilitation du réseau électrique coupé par la rivière Dama il y a de cela 4 mois. Le manque de carburant et le retard des vivres sont quelques-uns des défis à l'activité de délocalisation des familles touchées par les inondations vers le site de Malkiazo, indique le président de la protection civile que vous entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir. Les habitants de la ville de Ngozi saluent les sanctions qui sont en train d'être prises à l'endroit de ceux qui perturbent la distribution du carburant au chef-lieu de cette province. C'est après la saisie de cette moto qui allait s'approvisionner une deuxième fois le même jour. La population demande qu'il n'y ait plus de corruption et favoritisme dans la distribution de ce produit. Désiré Minani, gouverneur de Ngozi, décide en outre que toute personne doit s'aligner sur une même ligne pour éviter la ligne vie IP, dit-il, et parle de sanctions sévères à tout perturbateur de la distribution des produits pétroliers. Une correspondance signée Apollinaire Muzagara. Les habitants du chef-lieu de la province Ngozi cessent de grogner ces jours-ci à cause des irrégularités qui s'observent dans la distribution du carburant sur différentes stations. Ils pointent du doigt certains policiers et pompistes qui exigent de l'argent pour être servis et d'autre part des personnes qui passent chaque fois à côté de la file d'attente, expliquant qu'ils sont envoyés par telle ou telle autorité. Des fois, on leur dit même que le carburant est terminé ou bien que celui qui reste dans le tank est réservé à telle ou telle activité provinciale, d'où la disponibilité du carburant au marché noir, déplore-t-il. Le gouverneur Désiré Minani ne nie pas ces irrégularités, d'où il a pris la décision d'aligner tout le monde sur une même ligne, sans parler d'autres personnes VIP. Pour lui, les chefs de service n'ont qu'à envoyer leurs chauffeurs pour faire la queue comme les autres. Envie de sanctionner ceux impliqués dans ces irrégularités, cette moto ont été saisies la semaine dernière et mise dans le trésor public. Il s'approvisionnait plus d'une fois le même jour. Et il y a également des pompistes sous les verrous. Ils ont été surpris à la maison avec d'importantes quantités de carburant. La population salue cette décision et demande plus de rigueur pour que la distribution soit transparente. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Et le gouvernement du Burundi devrait résoudre le problème de manque de carburant pour que les transporteurs ne soient pas victimes des mesures sécuritaires récemment arrêtées par la police nationale du Burundi. Charles Nhirampeba, secrétaire général de l'association des transporteurs du Burundi à Trabou, qui le dit, trouve que ce ne sont pas les sanctions qui devraient être appliquées aux transporteurs qui travaillent déjà à perte. On l'écoute. On n'a pas de commentaire particulier sur cette mesure parce que c'est une mesure qui a été prise par les instances de la sécurité. Et néanmoins, l'association des transporteurs du Burundi à Trabou demande au gouvernement de résoudre définitivement le problème de la pénurie de carburant parce que ce problème a affecté dangereusement le secteur de transport. C'est la raison pour laquelle on demande même via le ministère des Transports de convoquer une réunion urgente de tous les intervenants dans le secteur de transport et dans le but effectivement de nous aider à résoudre les problèmes qui ont été causés par la pénurie de carburant. Là, je peux citer les crédits qui ont été contractés par les transporteurs qu'on n'arrive plus à payer pour le moment et parce qu'on n'est pas opérationnel. Les documents exigés dans ce secteur qui sont en train d'être payés au moment où ces transporteurs ne sont pas opérationnels effectivement. Et donc, le Trabou demande à ce qu'il y ait une réunion urgente de tous les intervenants et pour nous aider effectivement à trouver une solution par rapport à la pénurie de carburant qui prédire dans notre pays. Je veux l'annoncer en titre, le nouveau projet du budget général de l'été exercice 2024-2025 devrait mettre en avant le secteur porteur de croissance économique et privilégier les questions qui hantent le peuple et notamment la pénurie de carburant. Dans une conférence de presse animée ce lundi, le président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques, OLUCOM, il appelle le gouvernement de recourir aux experts nationaux et internationaux en matière de mobilisation des ressources et exécution des programmes programme. Gabriel Rufiri, président de cet observatoire, propose la réduction des dépenses inutiles tout en limitant le niveau d'endettement. On l'écoute. Dans le cadre du budget citoyen, il devait y avoir des consultations avec la société civile et d'autres partenaires pour qu'ils puissent donner leur point de vue. Malheureusement, quand nous regardons le budget qu'on a eu dans l'informel, nous voyons que toujours, au lieu que le budget soit orienté vers le développement, c'est-à-dire orienté vers le secteur porté de croissance, le budget est orienté vers la consommation, malheureusement. Nous demandons à ce que le gouvernement mette en place un plan de remboursement de la dette intérieure et extérieure qui est actuellement une dette vraiment qui dépasse l'entendement parce que la dette actuellement dépasse plus de 5 000 milliards. Aussi, nous voyons qu'aujourd'hui, le Burundi souffre énormément par rapport au manque de devises. Il est très difficile aujourd'hui de penser au développement du pays au moment où on n'a pas de carburant, on n'a pas de matières premières, on n'a pas de médicaments. C'est-à-dire, il nous faut d'urgence qu'il y ait dans le budget un plan d'urgence de redressement des secteurs prioritaire. Parce que aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement du Burundi et ses entités, au lieu de privilégier les secteurs portés de croissance, nous les voyons vraiment dans l'opérance. Est-ce qu'actuellement, c'est vraiment nécessaire d'avoir derrière une seule personne plus de 20 véhicules, voire vraiment plus de 20-30 véhicules dans un pays qui est le premier pays le plus pauvre au monde? C'est pas vraiment normal. Il en est de même pour les missions à l'étranger ou à l'intérieur du pays. Normalement, les missions à l'étranger et à l'intérieur du pays, on devait d'abord les capitaliser. Gabriel Rufiri, président de l'UCOM. Parlons encore de l'endettement. Le Conseil des ministres extraordinaire tenu jeudi dernier a adopté une stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Le gouvernement compte mettre un accent particulier sur l'augmentation du financement extérieur concessionnel en vue de guider la politique de l'endettement du Burundi. Dans un extrait du compte rendu, le secrétaire général du gouvernement, Jérôme Niyonzima, informe qui s'impose de recomposer les sources de financement intérieur. On l'écoute. La loi régissant la gestion de la dette publique prévoit une obligation d'élaborer une stratégie de gestion de la dette à moyen terme qui fait objet d'annexes à la loi des finances. Elle va permettre d'avoir une bonne évaluation et une meilleure composition du portefeuille de la dette publique. Elle servira de référence pour la prise de décision en matière d'endettement afin de couvrir les besoins de financement à moindre coût possible. Les objectifs visés par cette stratégie consistent à, premièrement, combler les besoins de financement de l'État à moindre coût possible tout en maintenant le risque à un niveau acceptable. Deuxièmement, à faire face aux obligations de paiement du service de la dette tant interne qu'externe. Troisièmement, développer les sources de financement intérieur et extérieur pour les projets structurants de l'État. Au regard de la vulnérabilité du portefeuille de la dette existante et des résultats de différents scénarios de financement, la stratégie de mettre l'accent sur l'augmentation du financement extérieur et concessionnel tout en faisant la recomposition du financement intérieur semble la plus appropriée à guider la politique d'endettement du Burundi durant la période couverte par la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Après analyse, la stratégie a été adoptée. Parlons encore économie à 18h10 dans le studio de la radio Isanganiro. Le gouvernement devrait prendre des mesures qui s'imposent pour résoudre les problèmes liés à la pauvreté et à la flambée des prix des produits de première nécessité qui s'observent ces jours dans le pays. Ceci dit par le directeur national de la parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ces mots au lendemain de la présentation de la politique monétaire par la Banque centrale pour le premier trimestre de de l'année en cours et la déclaration de la politique monétaire pour le second trimestre. Faustin Dikumana trouve que la situation du moment est envenimée par la cherté et la pénurie des devises dont les Burundais devraient se servir pour importer des produits stratégiques suivants. Parsemé constate que, malgré quelques avancées constatées au niveau des réserves de change de 3 semaines à 1 mois, on constate que la situation reste alarmante au niveau de la pénurie des devises. Dis-moi sur l'analyse même la différence entre le marché officiel, les devises sur le marché officiel et sur le marché parallèle. Au niveau de l'inflation, la situation continue à être alarmante aussi. L'inflation est toujours galopante. Tous les produits sont frappés par une augmentation des prix, les planches, les matériaux. Donc on sait que partout, suite même à cette pénurie de devises et aussi suite à cette rareté des produits, on voit les produits brandis et le coût du transport. Maintenant, au niveau même du transport, et les gens sont embarqués comme des indagara. C'est vraiment horrible. Il faut qu'il y ait une intervention. Mais aussi, la Banque centrale devait prendre ses responsabilités au niveau de la bonne gestion des devises. Si on se targue d'avoir fait augmenter le nombre de réserves de change, pourquoi ne pas prioriser l'importation des produits statistiques comme le carburant? Pourquoi toujours des files d'attente? Il faut une gestion saine des devises disponibles. Sortir une réglementation. Présenter un rapport hebdomadaire, mensuel sur l'utilisation des devises disponibles. Cette réglementation devait guider la gestion des devises. Et puis, il faudrait qu'il y ait des services de contrôle. Il faut que la BNB aussi prenne l'habitude de commander des études pour prouver la mauvaise ou la bonne utilisation des devises et émettre des recommandations. Outre cela, Parsem lance un appel surtout au président de la République parce qu'il est au-dessus des institutions de prendre toutes les mesures pour stabiliser la situation et commencer à inverser la tendance. Le président de la République devait prendre des mesures fortes à la même, à la nomination d'un nouveau gouvernement, du nouveau des hommes compétents, capables de prendre des mesures pour endiguer cette situation. Je veux l'annoncer en titre, près de 700 ménages sur plus de 1700 ménages volontaires victimes des inondations de Gatumba sont déjà délocalisés vers le site de Matiazo en commune Mubimbi de la province de Bujumbura. Une déclaration du président de la plateforme de prévention des risques de gestion des catastrophes dans une interview accordée à la radio Isanganiro. Général de brigade de police N.C. Nibaruta indique en outre que le manque de carburant et le retard des vivres sont les principaux défis auxquels cette activité de délocalisation fait face. Suivez. Nous sommes à pied d'œuvre pour le déplacement des ménages sinistrés de Gatumba qui sont affectés par des inondations. On déplace ces ménages vers le site de Gisagara de la commune Mubimbi. Nous avons enregistré les ménages volontairement pour la délocalisation et nous avons enregistré 1762 ménages qui se sont exprimés de manière volontaire pour la délocalisation. Et sur les 1762 ménages, nous avons déjà déplacé 690 ménages, parmi lesquels nous comptons 53 ménages victimes d'un glissement de terrain de la localité. Et quels sont les défis qui subsistent? Le défi majeur, c'est le carburant, le manque de carburant pour que les engins de l'Obuha puissent continuer à finaliser le travail de terrassement du site pour l'aménagement des abris. Et nous avons aussi un problème qui est lié à la fourniture de nourriture parce que le ministère de la Solidarité nationale qui donne à manger, et le ministère fournit le riz, le haricot, le sel, et l'huile. Et des fois, on passe une journée sans que la fourniture n'atteigne pas les déplacés, mais on leur demande la patience parce que ça demande aussi le transport de cette nourriture. Mais les habitants de ce site des projets qui puisent très loin, alors qu'ils ne sont pas habitués de monter les montagnes. Il y a aussi les écoles qui se trouvent un peu éloignées de cette localité, mais aussi par l'hôpital près de ce site. Qu'est-ce que vous comptez faire pour régler ce problème? Je demande à ces ménages de s'adapter au contexte parce que là où ils puisent l'eau, ce n'est pas trop loin, mais il y a une pente qu'ils doivent monter. Pour les gens qui ne sont pas habitués à monter les montagnes, ça devient un peu difficile. On avait demandé à Obuha d'aménager l'accès pour que les gens puissent avoir des facilités. aussi les enfants qui doivent aller à l'école. Il n'y a pas des enfants qui font 4 km. Les écoles sont situées à environ 2 km et on demande à ces enfants de s'adapter aussi parce qu'on a donné priorité aux enfants qui devraient poursuivre les études pour pouvoir se préparer au concours, surtout les enfants de la 9e année qui devraient être soumis au concours national. Et donc, dans les jours à venir, on va améliorer et voir comment les enfants puissent accéder aux écoles, puis les ménages puissent accéder aussi à l'eau avec des facilités. Mais on ne peut pas avoir tout en même temps. Général de brigade de police Anse Nibaruta, président de la plateforme de prévention de risques et de gestion des catastrophes, il répondait aux questions de Jean-Marie Vianney Ngendakumana. L'administration de Lumonge et la régie des eaux centres Lumonge se rejettent la responsabilité dans la lenteur de la réhabilitation du réseau hydraulique coupé au niveau de la rivière Dama depuis février de cette année lors d'une réunion de développement de la province Lumonge. La régie des eaux centres Lumonge évoque la non-mobilisation de la population par l'administration autour de ce chantier et c'est au moment où l'administration parle plutôt de refus de la régie des eaux de l'appui en homme lui proposé par la commune Lumonge. Le point avec Jean-Pierre Misago. Selon Zabiro Nzokizwanayo, responsable de la régie des eaux centres Lumonge, les travaux de réhabilitation du réseau hydraulique coupé au niveau de la rivière Dama en début du mois de février de cette année en cours n'ont pas encore abouti car le peu de travailleurs journaliers provenant de la commune Burambi qui ont accepté l'offre de la régie des eaux ne peuvent pas avancer à la vitesse voulue dans le creusement d'une tranchée de contour de la zone critique. Pour lui, l'administration de Lumonge n'a pas suffisamment mobilisé la population pour répondre massivement aux travaux communautaires à cette fin. Nzokizwanayo estime que la population devrait donc être mobilisée surtout en cette période sèche pour achever ces travaux. De son côté, l'administration de Lumonge trouve plutôt que la régie des eaux est responsable de ce retard. En effet, selon Léonard Niosaba, gouverneur de Lumonge, la commune Lumonge a manifesté son intention d'appuyer en homme à sa charge ses employés payés par la régie des eaux le 2 mars 2024, mais la régie des eaux s'y est opposée. Sinon, ces travaux seraient suffisamment avancés, selon le gouverneur de Lumonge, qui reformule cette intention, et le responsable de la régie des eaux, Centre Lumonge, dit que c'est une question à soumettre au préalable à la direction générale. Entre-temps, c'est la population et surtout les élèves internes du lycée Lumonge déjà face aux coupures répétitive de courant électrique qui en paie le prix selon les participants dans une réunion de développement de cette province qui trouve que l'intérêt général devrait être priorisé. L'urgence serait que le lycée Lumonge soit doté d'une source de courant électrique autre que la régie des eaux selon certains natifs de Lumonge. Jean-Pierre Misago depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Les femmes peuvent faire des exercices physiques de gym tonique 3 fois par semaine dans le but d'avoir une bonne santé physique et mentale. Sylvie Hatungimana, professeure à l'Université du Burundi au sein de l'Institut de l'éducation physique et des sports, en même temps entraîneur de gym tonique pour les femmes, fait savoir que l'on commence par des exercices d'échauffement pour terminer avec la relaxation. La chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. En faisant les exercices d'entretien physique pour les femmes, on commence par l'échauffement du corps suivi par des étirements. Explication de Sylvie Hatungimana, professeure de l'Université du Burundi, au sein de l'Institut de l'éducation physique et des sports IEPS, également entraîneur de gym tonique pour les femmes. Les exercices sont des exercices, je dirais, communs à l'activité physique. Cela suppose différentes parties, à commencer par l'échauffement. Vous savez, c'est comme le fer. Quand vous voulez battre le fer, vous ne pouvez pas le plier, vous ne pouvez pas le mettre dans une forme voulue si vous ne le chauffez pas. Et donc, on fait l'échauffement des pieds, les membres, le rachis, donc la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Et après cet échauffement, on procède aux étirements. Ces exercices ont pour objectif de tester l'état du bien-être en vue de mettre le corps dans l'état initial. C'est pour tester l'état de bien-être dans lequel se trouvent ces gens, mais aussi pour tester l'état de proprioception, en sorte que, voilà, c'est comme si on voulait remettre le corps à l'état initial. Cet équilibre vient après donc la relaxation. Et comme cela, on est sûr qu'il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'entorse, des petits accidents de ce genre. Son professeur d'IEPS à l'Université du Burundi précise qu'il est recommandé de faire le sport en fonction d'âge. D'habitude, il est conseillé de faire un entraînement physique en moyenne 3 ou 4 fois par semaine. Normalement, il est recommandé de faire les exercices en fonction de l'âge, en fonction de l'habitude de faire cet entraînement physique. Mais on peut dire en moyenne, on peut le faire 3 ou 4 fois par semaine. Cela suppose qu'il y a un moment ou un jour d'exercice et un jour de repos. Cette enseignante d'université, également directrice académique de l'Université du Burundi, fait savoir que si on veut dépasser cette limite, il faut d'abord consulter des spécialistes sportifs pour savoir la quantité d'exercice à pratiquer. Et si on doit dépasser cette limite, il vaudrait mieux consulter des spécialistes pour savoir exactement quels sont les exercices, quelle est la quantité d'exercice qu'il faut pour tel type de personne, ou alors ce sont des gens qui ont déjà des problèmes de santé. Il faut savoir exactement comment il faut doser, et ça c'est vraiment entre les mains des spécialistes. Ce sont les spécialistes qui doivent recommander la quantité, le dosage de l'exercice et le nombre de fois par semaine. Son coach de gym tonique pour les femmes exhorte les femmes à diversifier les exercices, pas seulement le gym tonique, mais aussi un complément d'exercice en plein air. Comme nous, on travaille pratiquement 2 heures, d'avoir un jour d'intervalle, c'est bon aussi, mais ce qui est aussi bon, c'est de diversifier les exercices. Là, nous travaillons en salle, nous recommandons que ces mamans puissent faire un complément d'exercice en plein air, un complément d'exercice à la piscine, un complément d'exercice à travers la marche notamment, un complément d'exercice sur les appareils notamment pour la musculation, pour le renforcement donc musculaire. Professeur Sylvia Tungimana indique que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande la pratique du sport au moins 30 minutes par jour. Ainsi se referme cette édition. Merci Madame, Monsieur de nous avoir prêté oreille attentive. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en onde de très bonnes suites de nos programmes.